zappé sur Planète ou Arte, un peu fatigué mais rempli de motivation, admirant ces nombreux paysages du monde entier, ces palmiers et leurs plages de sable fin. Attends, bouge pas. Au loin, je vois un requin. Il se balade dans la mer, dans ce bleu intense qu'il côtoiera jusqu'à la fin de son existence. La caméra tourne et j'observe des cocotiers. Ce paysage incroyable, sans arrêt, me fait rêver. Ça me donne envie de me lever, de visiter le monde entier. Envie de quitter ce train-train quotidien et de voyager des semaines entières à faire le tour du globe. L'argent, je pense que ce n'est sûrement pas improbe. Marre des routes infinies et des bâtiments carrés. Ces choses basiques auxquelles nous sommes habitués. Chose à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Il y a tant de choses à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. C'est l'un des temps, j'ai de fortes envies de nouveautés. Je dois dire que la France commence à me lasser, car je ne crois pas qu'elle ait de si beaux paysages cachés. Ou alors, eh ben, j'ai mal été informé, j'ai envie de voir des choses nouvelles. Mais attention pour les States et ses nombreux gratte-ciel. Personnellement, j'opterai pour aller faire un tour du côté de l'Amazonie et de ses alentours, le Pérou, l'Argentine, sans oublier la Bolivie. Un long périple qui serait achevé par le Chili, renifler de l'air frais, m'en mettre plein les poumons, car ici on frôlerait presque la contamination. J'aimerais un jour l'avoir, cette chance de pouvoir observer des horizons différents, quitter un petit moment le pays de mon enfance et voir du monde ce qu'il en est vraiment. Chose à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Il y a tant de choses à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Il y a tant de choses à voir, tant de choses à découvrir. Rien que les imaginer me donne le sourire. Quelque part il y a des couleurs uniques à perdre de vue. Je voudrais tellement n'en voir qu'un aperçu, sentir des parfums aussi incroyables qu'étranges, découvrir de nouveaux goûts chaque fois que je mange, savourer la vie et ce qu'elle a à m'offrir. Tellement envié par tout ça qu'il serait dur de repartir si je n'avais qu'un seul mot. En conclusion, il s'agirait sans doute d'évasion, pouvoir m'évader dans des champs de vision insolite, observer à chaque seconde des merveilles inédites. Ça me ferait peur que le jour où mon cœur s'arrête, je ne dise que je n'ai rien vu de cette planète. Je voudrais côtoyer tous les jours les splendeurs de l'humanité. Il y en a certaines dont je n'ai même pas idée. Chose à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Il y a tant de choses à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Chose à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara. Il y a tant de choses à voir de l'Himalaya jusqu'aux dunes de sable du Sahara.